Just before continuing with the next part of the dialogue, we're going to spend a moment more on the phrase il y a, which means both there is and there are. First, you'll hear a statement saying there is one of something, and in the pause you reply, no, there are two of something. After you hear the correct answer, repeat it. Écoutez l'exemple. Il y a un hôtel dans la rue. Non, il y a deux hôtels dans la rue. Vous comprenez? Bon, nous commençons. Il y a un hôtel dans la rue. Non, il y a deux hôtels dans la rue. Il y a un taxi à la gare. Non, il y a deux taxis à la gare. Il y a une valise dans le taxi. Non, il y a deux valises dans le taxi. Il y a une chambre réservée pour Monsieur Wickham. Non, il y a deux chambres réservées pour Monsieur Wickham. Il y a un G dans Georges. Non, il y a deux G dans Georges.